Vous avez ici, à droite, la maison la plus ancienne de la ville. Elle date des premières années du XVIe siècle et c'est un excellent exemple de l'art de la Renaissance. Sa porte est ouverte. Vous pouvez entrer et regarder la cour intérieure, qui est magnifique. Deux. Bonjour. Vous êtes bien chez Rosalie et Paul Contin. Nous ne sommes pas à la maison en ce moment, mais laissez un message et nous vous téléphonerons dès que possible. Merci et à bientôt. 3. Attention, votre attention s'il vous plaît. Le TGV 8713 en provenance de Paris et à destination de Brest va entrer en gare. Éloignez-vous de la bordure du quai. Rennes, 3 minutes d'arrêt. C'est lui qui avait la maîtrise du jeu. Il est en train. Tu m'aides à faire le ménage, s'il te plaît ? Oh non, je suis trop fatigué. Je me lève de bonne heure, moi, le matin. J'ai besoin de me reposer. Tu te lèves tôt et moi, je me couche tard. Allez, passe l'aspirateur dans ta chambre et la chambre de ta sœur, s'il te plaît. Oh, c'est pas vrai. J'en ai vraiment ras-le-bol de la famille. 5. Allô ? Allô, bonjour monsieur. Est-ce qu'Alice est là ? De la part de qui ? De Nadia. Alice ? Alice ? C'est qui ? Nadia. Salut Nadia, ça va ? Oui, et toi ? Dis, on va au bowling samedi avec Théo. Tu viens ?